J'aime pas. Alors, je cherche un job et je viens chez vous voir ce que vous aimez pour moi. Oui. Qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Rien. Elle est plutôt pas mal cette soirée. Hein? Elle était plutôt jolie aussi. Ça te dirait de sortir avec moi? Non. J'aime pas. J'ai plus de boulot, ma copine m'a plaqué. Je n'ai marre de ces vies de merde. Je vais me suicider. Ça dit d'être mon ennemi sur Facebook. J'aime pas. Ah, j'ai plus de boulot, ma copine m'a plaqué. Je m'ai marre de cette vie de merde. Je vais me suicider. Elle est plutôt pas mal cette soirée. Hein? Elle était plutôt jolie aussi. Ça te dirait de sortir avec moi? Non. J'aime pas. J'aime ça.